mains qui ont écrit, mes dents qui ont jauni, ma voix qui a chanté, mes yeux qui ont pleuré. Ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah. Je n'ai plus de quoi manger, l'autre qu'on paye des tournées, et moi qui lis le cid quand mon frigo est vide. En chauffage, la femme de ménage, le troisième étage et les pâtes au fromage.